Dossier 41, Lorcanant, sa vie. 1845, naissance de Marie-Louise Félicité Angers à la Malbaie d'une vieille famille canadienne. La famille aurait été anoblie par Louis XIV et se serait établie à Québec vers 1660. Le père est pourtant forgeron et la mère tient un magasin général. C'est la quatrième des 12 enfants du couple. À cette époque, le village comptait tout au plus une vingtaine de maisons. 1858-62, études chez les Ursulines, de Québec. Elle est une élève brillante. Elle lit énormément. 1862, elle fait la rencontre de Pierre-Alexis Tremblay. Le couple se fiance, mais pour quelques raisons qui sont demeurées obscures, après 5 ans, Tremblay, qui a des ambitions politiques et deviendra même député de Chicoutimi, rompt les fiançailles. Et Félicité en éprouve une intense déception amoureuse. Ce sera son seul amour et l'expérience aura une influence déterminante sur son œuvre. À la suite de cette déception, Félicité retourne dans sa famille au village natal, où elle mène une vie retirée, s'adonnant à l'horticulture, à la lecture, puis à l'écriture. 1878-79, publication de sa première nouvelle, Un amour vrai, dans la Revue de Montréal. Le texte est édité en volume pour la première fois sous le titre de L'Arme d'amour, en 1879, sans l'autorisation de l'auteur. Elle utilise pour la première fois le pseudonyme sous lequel on la connaîtra désormais, Lorcanant. Elle se passionne pour l'histoire, les relations des jésuites, la correspondance de Marie de l'Incarnation. 1881-1822. Son roman le plus connu, Angéline de Montbrun, paraît en feuilleton de la Revue canadienne. Le roman est écrit sous forme de lettres et de journal intime. On le considère généralement comme le premier roman psychologique publié au Québec. Le roman connaît le succès dès sa parution et est réédité en volume 3 fois du vivant de l'auteur, 1886, 1905 et 1919. Il y a 2 ans, la Revue canadienne de Montréal, juin 1881, entreprenait, sous le titre d'Angéline de Montbrun, la publication d'un roman canadien, qu'on disait une œuvre fort remarquable. La curiosité publique fut vivement piquée par l'annonce que ce roman était dû à une femme, dont le nom véritable commençait à se faire jour à travers le pseudonyme de Lorcanant, derrière lequel s'abritait l'auteur, H.R. Casgrain. Le style de Lorcanant est sobre, impeccable de forme, d'une élégance toute française. Sa pensée est originale, sa phrase est concise. Elle sait exprimer ses idées, avec un incomparable bonheur d'expression et un charme pénétrant. Un mot, une tournure de phrase, un simple trait descriptif ont sous sa plume le don de remuer le cœur, jusque dans ses fibres les plus intimes, et de l'émouvoir délicieusement. Un de nos hommes de lettres, M. l'abbé Casgrain, a surnommé Lorcanant le génie de Guérin canadienne. Ce titre élogieux vaut toutes les louanges. Françoise, Mme Robertine Barry, Les femmes du Canada, leur vie et leurs œuvres, 1900. 1883, L'obscure souffrance, nouvelle. 1886, Si les Canadiennes le voulaient, brochure patriotique écrite sous forme de dialogue. 1891, À l'œuvre et à l'épreuve, son premier roman historique. 1893, elle s'établit chez les religieuses du Précieux Sang à Saint-Hyacinthe, où elle dirige la revue La Voix du Précieux Sang jusqu'en 1898. Elle y écrit plusieurs articles à caractère religieux, moral ou historique. Mais elle publie aussi dans d'autres revues, dont Le Monde Illustré, Le Coin du Feu et Le Journal de Françoise. Elle correspondra aussi, tout au long de sa vie, avec plusieurs écrivains de l'époque. 1898, elle rentre de la Malbaie afin de soigner sa sœur malade. Après le décès de celle-ci, elle partagera à la Malbaie la vie de son frère, notaire de l'endroit. Elle ne quittera plus la Malbaie qu'en 1920. 1900, publication dans la Revue canadienne du roman historique L'Oublié, qui raconte les amours de Lambert Clos et d'Élisabeth Moyen, au début de la colonie vers 1660. L'ouvrage est couronné par l'Académie française. Lambert Clos est venu au Canada vers le milieu du XVIIe siècle. Il fut un des plus dévoués compagnons de M. de Maisonneuve. Il l'aida puissamment à fonder Ville-Marie. Maintes fois, il défendit la ville naissante contre les attaques des sauvages, et les jésuites ont écrit de lui dans leurs relations qu'il a justement mérité la louange d'avoir sauvé Montréal par son bras et sa réputation. Or, Lambert Clauss épouse à Ville-Marie Élisabeth Moyen, jeune orpheline qui avait été enlevée par les Iroquois dans un combat où ses parents furent massacrés, mais qui ensuite fut rendue à la liberté et échangée par les sauvages pour un guerrier que l'on avait fait prisonnier à Montréal. La vie de famille ne fut pas longue pour Lambert Clauss et Élisabeth Moyen. Le mari fut tué par une balle iroquoise, et la jeune épouse resta veuve à 19 ans, n'ayant pour se consoler qu'une petite fille de 2 ans. Et voilà tout le sujet du roman, tout le thème sur lequel devait broder l'imagination et l'exquise sensibilité de Laure Conant. Lambert, c'est l'oublié. Élisabeth, c'est la jeune fille timide, un peu naïf, attachante, qui éveille un très discret amour dans un cœur de brave, lequel ne semblait né tout d'abord que pour la gloire et les rudes combats. Monseigneur Camille Roy, romancier de chez nous, édition Beauchemin, 1935, page 106-107. 1903, Élisabeth Seton, biographie de la fondatrice de la branche américaine des Sœurs de la Charité. 1912, elle publie des récits historiques, Louis Hébert, premier colon canadien et physionomie de saint. 1917, silhouette canadienne. 1919, l'obscure souffrance, nouvelle. 1920, elle adapte pour le théâtre L'Oublié, sous le titre « Au jour de Maisonneuve », qui sera joué sans succès la même année par des amateurs au Monument National. Malade, elle se réfugie dans un couvent de Sillery. La villa Notre-Dame-des-Bois. 1921, La Veine Foi, nouvelle écrite sous forme de journal intime. 1923, elle écrit un roman historique, son dernier, La Sève Immortelle. Et l'ouvrage ne paraîtra qu'après sa mort, en 1925, grâce aux soins de l'historien Thomas Chappet, qui en signe la préface. L'ouvrage a pour cadre les lendemains de la défaite de Sainte-Foy en 1763. 1924, elle meurt le 6 juin à Québec.